Je suis l'ectoplasme au fait réel, chassant lui-même ses propres fantômes. Dès le crépuscule des jours que j'entame, si le droit d'exister se réclame, mon rap, si ça en est question qu'il l'eau, concurrence sera l'enclume. Avant que cette vie me fume avec le sourire comme un joint de bœuf, que ceux qui jacassaient du loup en aperçoivent sa queue. Un souhait inspiré depuis le cumul des années, SK en escapade laisse sa marque avant de canner. J'ai pas de reset, j'passe outre la recette. Ouais, souvent j'rappe sans cesse, l'expression passe avant le concept. Un cri rêvant des connaissances d'une faune hostile. Voilà ce qui en est, cette feuille blanche maculée de l'hostie. La main moitié, le paper mat, l'esprit, c'est stigmate. Fini l'époque de l'enfant pleurant ses soucis sous la couette. Avec un stylo en main, j'avance l'arme en main. Qu'en train de rapper pour qu'on m'entende, j'lâche des sons sur le chemin.